Voyant tout ce monde dans le jardin, prêt à reprendre les travaux, Lapin s'inquiéta. « Mais au fait, pourquoi voulez-vous tant aller à l'autre bout du monde ?